Immobile, malhabile. Immobile, malhabile. Immobile, immobile. Immobile, malhabile. Ma vie vous promène à travers mes joies, à travers mes peines, de façon humaine. Mais il n'y a rien, rien du tout. Pas d'amour, zéro coup de foudre, rien du tout. Quand il n'y a rien, je ne fais pas de promesses. Je protège les gens de leurs sentiments. Restez prudents. Ôtez donc le voile. Le voile de tendresse. Car ma gentillesse. Car ma gentillesse est sourire en paix, solitude éclat moi, chaleur de toute mon âme. Car ma gentillesse sourire vous perdre en moi. Car ma gentillesse sourire vous perdre en moi.